5. Les premières menées politiques. Que Richelieu, simple évêque de Luçon, fut préoccupé de la carrière politique à laquelle il se destinait, c'est ce qui résulte, avec la dernière évidence, d'un des documents les plus extraordinaires que nous ait laissé la jeunesse d'un grand homme, les instructions et maximes que je me suis données pour me conduire à la cour. Curieux mémoire, retrouvé et publié par M. Armand Bachet. Sur des feuillets détachés, une écriture hâtive a jeté comme le trop-plein des réflexions qui occupaient les loisirs du jeune évêque. Avide de clarté, il fixe ses pensées, leur donne, par la rédaction, le caractère précis et ferme de la chose mûrement délibérée, écrite. Ce procédé, il devait l'employer toute sa vie. Pas une résolution importante qu'il n'ait ainsi étudiée, discutée, la plume à la main. Cette fois, c'est une sorte de bréviaire portatif de l'ambitieux de cour qu'il écrit pour son usage personnel. L'ensemble du texte ne peut laisser de doute sur la date de la rédaction. Elle remonte évidemment au temps de Henri IV. C'est donc avant le mois de mai 1610, probablement vers la fin de 1609, qu'il convient de la placer. Pénétrons grâce à ce mémoire dans le secret le plus intime de cette âme ambitieuse. Tous les pas sont comptés, toutes les paroles sont pesées, tous les gestes sont surveillés. Rien n'est abandonné au hasard de l'improvisation. Un continuel empire sur soi-même subordonne toutes les manifestations de la pensée à la discipline d'une volonté toujours en éveil. Dans son rêve, le rédacteur du mémoire quitte Luçon pour Paris. Une fois arrivé, il choisira son logement et ne l'éloignera ni de Dieu ni du roi. Les premiers instants de la journée seront donnés à Dieu. Ce premier devoir rempli, on peut penser à autre chose le reste du temps. En ce qui concerne le roi, c'est un grand art de savoir quand et comment il convient de le visiter. Sans être importun, il faut se trouver là pourtant au moment propice. Une fois par semaine à Paris, tous les deux jours à Fontainebleau, c'est la bonne mesure. Un joli portrait de Henri IV témoigne de l'attention psychologique du jeune courtisan. Les mots les plus agréables au roi sont ceux qui élèvent ses royales vertus. Il aime les pointes et les soudaines reparties. Il ne goûte point ceux qui ne parlent pas hardiment. Mais il lui faut du respect. L'important, c'est de considérer quel vent en tire et de ne le prendre point sur des humeurs auxquelles il ne se plaît de parler à personne, se cabre à tous ceux qui l'abordent. Et terminant par un trait de fine observation, prendre garde d'arrêter le discours quand le roi boit. C'est du roi que dépend désormais en France la fortune de tout ambitieux politique. Il tient une grande place dans ce court mémoire, bon de toujours tomber sur cette cadence que ça a été par malheur que jamais on ne lui a pu faire service qu'en petites choses et qu'il n'y a rien d'impossible à une bonne volonté pour un si bon maître, un si grand roi. Il faut aussi avoir égard aux grands, à la cour, dont le suffrage désigne souvent pour les hauts emplois. Il faut fréquenter le monde, les tables, mais sans excès, avec dignité. Se tenir à égale distance du reproche d'orgueil et de celui d'importunité. Se taire, écouter, n'avoir point l'esprit distrait, ni les yeux égarés, ni l'air triste ou mélancolique quand quelqu'un parle, et y apporter une vive attention, ainsi que beaucoup de grâce, mais plus par l'attention et le silence que par la parole et l'applaudissement. Puis, par une réflexion qui bride l'élan de son âme impétueuse, en traitant ou parlant avec des seigneurs de qualité, j'ai eu de la peine à me tenir et à me resserrer en moi-même. Là, plus on est honoré et respecté, plus il faut faire l'humble et le respectueux. De toute chose, il faut dire son opinion avec respect et ne jamais ni juger conclure. Si dans la conversation quelques beaux mots échappent, il faut le noter. Il faut noter également les principaux faits dont on est témoin. La correspondance demande un soin particulier. Écrire le moins possible, penser d'avance aux conséquences qu'on peut tirer de telles phrases jetées imprudemment, tenir une copie des lettres les plus importantes, répondre à tous ceux qui vous écrivent, fussent-ils inférieurs, lire et relire plusieurs fois les lettres que l'on reçoit et celles que l'on envoie. Le feu doit garder celle que la cassette ne peut garder qu'avec péril. Enfin, Richelieu s'arrête sur la vraie science du courtisan, la dissimulation. Il en dégage avec précision les principes. La dissimulation supérieure se fait par le silence. Le silence garde les secrets qui vous sont confiés, cache les desseins qui ne peuvent réussir une fois éventés, ménage l'amour-propre des gens sur lesquels on porte au fond un jugement sévère. Le silence sert à tromper des adversaires qui croient que l'on ignore leurs mauvais desseins. Il dévore les offenses que l'on vengera par la suite. Il écarte les brouilles et les querelles stériles. En un mot, il évite le tort que des paroles inconsidérées feraient à autrui et à soi-même. Il est dur, dira-t-on, de vivre dans une telle contrainte avec ses amis. Mais il faut toujours penser au plus grand mal qui peut advenir. Cette dissimulation par le silence a même l'avantage d'épargner l'autre, bien plus périlleuse, celle qui se fait par la parole et qui conduit l'esprit entre deux écueils, le blâme de la menterie et le péril de la vérité. Si pourtant on est acculé et qu'on ne puisse pas se taire, alors le jeune évêque n'ose aller jusqu'au bout de sa pensée et conseiller le mensonge. Il s'en tire par une métaphore empruntée au langage des camps. Il faut, en ces occurrences, dit-il, faire des réponses semblables aux retraites qui, sans fuir, sans désordre et sans combattre, sauvent les hommes et les bagages. Ce court mémoire donne une juste idée de l'âme du jeune Français qui se préparait à affronter, vers l'année 1610, les périls de la carrière politique. Le but qu'il se propose, c'est la faveur du roi. Son champ d'action, c'est la cour. Ses moyens sont la persévérance, la souplesse, la dissimulation. L'intrigue n'a pas le caractère extérieur et tempétueux des siècles de liberté. Elle est toute couverte, lente, attentive, repliée sur elle-même jusqu'au jour où elle s'élance d'un bond. L'exercice constant de la volonté, le zèle et la grâce souriante, telles sont les qualités qui assurent le succès. Ce sont éminemment des qualités sociables. Tout repose sur les relations du monde, sur la confiance qu'on inspire, ou mieux encore, sur le charme qu'on exerce. Tout dépend d'une fantaisie, d'un caprice du monarque, il faut répéter le mot, de sa faveur. Richelieu, dans ce court mémoire, ne parle pas des femmes. Il leur devra pourtant ses premiers succès. C'est elles qui lui ouvriront le chemin. Le jeune prélat élégant, fin, à l'œil clair, dont la robe dissimulait à peine la tournure de cavalier, devait penser souvent à elle. Mais Henri IV vivait encore. Richelieu ne pouvait prévoir le gouvernement de Marie de Médicis, ni l'étrange fascination qu'il devait un jour exercer sur elle. La mort de Henri IV fut pour le jeune évêque une heure décisive. Il l'apprit par une lettre pleine des détails les plus circonstanciés que lui adressa le lendemain du crime son doyen Boutillier qui se trouvait à Paris. Après s'être ému, comme il convenait, du tragique de l'aventure, Richelieu se demanda quel parti il en pouvait tirer. Jusque-là, il avait bien eu des velléités d'agir. Il parlait souvent de ce voyage à Paris, de cette installation définitive à laquelle il fait allusion dans le mémoire. Cependant, il hésitait. Il semble que l'abord du roi Henri IV le gêna. Cette cour, composée de personnages déjà vieux, de soldats à la figure rébarbative, aux gestes rudes, la bouche toujours pleine des grands services qu'ils avaient rendus aux Béarnais, en imposait à sa jeunesse, à ses ambitions provinciales. Il exagérait près d'eux le respect, la déférence, l'obséquiosité, dans un effort qui devait coûter à sa fière nature. Par l'avènement d'un roi enfant, d'une reine étrangère, entouré d'un personnel de femmes, de favoris et de prêtres, il vit s'ouvrir un monde nouveau. Il paraît avoir eu l'intuition très vive de ce changement favorable. Avec une précipitation qui fut longtemps un de ses défauts, il s'agite tout à coup, s'efforce d'attirer sur lui l'attention et crie à tout le monde. Il avait près de la reine un appui naturel. C'était son frère aîné, le brillant Henri de Richelieu. Beau et bien fait, mêlé aux intrigues, celui-ci avait ses entrées dans ce que l'on appelait les cabinets, c'est-à-dire dans les petits cercles où se plaisait la reine. À peine Henri IV est-il mort que nous le voyons mentionné avec son beau-frère, Dupont de Courlay, sur la liste des seigneurs auxquels la régente distribue les sommes péniblement amassées par le sage Sully. Dans l'entourage de la reine, l'évêque de Luçon avait une autre protectrice, laquelle la plupart des mémoires du temps attribue une certaine influence sur les débuts de sa carrière politique. C'est Antoinette de Ponce, marquise de Guercheville, qui avait été mariée en première noce au comte de La Roche-Guyon. Il faut mentionner encore le nom d'une demoiselle Selvage qui, au début de l'année 1613, lui écrivait de revenir bientôt auprès de la reine et lui disait qu'elle parlait souvent de lui à sa majesté, comme il le désirait. Enfin, il pouvait se réclamer du père Coton, du père de Bérulle, du père Joseph, de tout ce personnel ecclésiastique qui enserrait déjà la dévote italienne. Dans ces conditions, Richelieu crut faire un coup de maître en adressant à la reine, dès qu'il eut appris la mort du roi, un serment de fidélité rédigé en des termes particulièrement expressifs. Après avoir déploré la mort du roi, il jurait en son nom et au nom de son clergé de Luçon et de Coussin de se comporter envers le roi Louis XIII, à présent régnant, tout ainsi que les très humbles, très affectionnés et très fidèles sujets doivent faire envers leur légitime seigneur et roi. Il ne s'en tenait pas là, une adroite flatterie se glissait jusque dans l'ordinaire banalité de ces sortes de formules. Nous certifions que, bien qu'il semble qu'après le funeste malheur qu'une homicide main a répandu sur nous, nous ne puissions plus recevoir de joie. Nous ressentons toutefois un contentement indicible de ce qu'il a plu à Dieu, nous donnant la reine pour régente de cet état, nous départir ensuite de l'extrême mal qui nous est arrivé, le plus utile et nécessaire bien que nous eussions pu souhaiter en nos misères, espérant que la sagesse d'une si vertueuse princesse maintiendra toute chose au point où la valeur et la prudence du plus grand roi que le ciel eût jamais couvert les aient établies. Nous jurons sur la part qui nous est promise en l'héritage céleste de lui porter obéissance, etc. Ce serment, dont les termes étaient si soigneusement pesés et paraissaient devoir être si agréables en un temps où la cour était pleine d'inquiétudes sur la fidélité des provinces, et notamment des provinces de l'Ouest, ce serment fut immédiatement envoyé à Paris. Richelieu priait son frère de remettre le document à la reine elle-même en l'accompagnant de paroles significatives. La cochère devait informer son évêque de l'effet produit. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme l'impatience de celui-ci l'avait prévu. Personne dans le royaume n'avait songé à rédiger un pareil serment. Remettre le document à la reine eût été afficher un excès de zèle presque ridicule. Les amis de Paris crurent faire sagement en s'abstenant. « Je crois, écrit Boutillier, que M. de Richelieu vous aura averti qu'il n'a point présenté l'acte de fidélité que vous aviez envoyé, ayant su que cela n'avait été pratiqué par personne, comme de mon côté je l'ai particulièrement appris. L'évêque en fut pour ses frais de rédaction, mais ses ardeurs n'en furent nullement refroidies. En effet, au même moment, il décidait brusquement son départ pour Paris. Il en écrivait à sa bonne amie, Madame de Bourges, la priant de lui trouver un logis, de lui acheter des meubles. « Dorénavant, j'espère faire un tour à Paris tous les ans, » ajoute-t-il. Comme son frère, il force sa misère pour subvenir à la première mise de son ambition. Il faut, à tout prix, faire figure. « C'est grande pitié que de pauvre noblesse, » dit-il, « mais il n'y a remède contre fortune bon cœur. Et encore, tenant un peu de votre humeur, c'est-à-dire étant un peu glorieux, je voudrais bien, étant plus à mon aise, paraître davantage ce que je ferais mieux ayant un logis à moi. » Tandis que l'abbé de la Cochère et Madame de Bourges veillent ainsi sur les premiers pas de leur ami, celui-ci écrivait à divers personnages, à son métropolitain, M. de Sourdis, alors à Paris, à l'évêque de Maizet, frère de ce cardinal, au père Coton que la reine retient à la cour et dont elle demande les avis, à d'autres encore, c'est toujours le fidèle doyen qui est chargé de remettre les lettres dont le texte nous manque, mais nous savons par les réponses de l'abbé qu'elles produisaient leur effet, que le père Coton assurait l'évêque de tout son service, que M. de Souvray disait beaucoup de bien de lui selon la réputation que vos mérites vous ont acquise par toute la France. On ajoutait même que si le jeune évêque se fût trouvé à Paris, on eût probablement confié à son éloquence l'oraison funèbre du roi défunt. Ce séjour à Paris, sur lequel il comptait tant, ne paraît pas avoir produit les résultats immédiats que Richelieu s'en promettait. La reine, absorbée par les premiers soucis du pouvoir, assiégée par les premières convoitises des grands, n'avait pas encore pris la direction effective des affaires. Les anciens ministres de Henri IV continuaient à gérer les intérêts publics. La place n'était pas prête pour les nouveaux venus. Richelieu quitta bientôt Paris, abattu, découragé, rongé par la fièvre. Il ne rentra pas à Luçon, l'air des marais lui était tout à fait contraire. Il avait des difficultés graves avec son chapitre, avec ses grands vicaires. Il écrit à ceux-ci dans des termes violents qui ne sont pas de sa manière habituelle, mais qui découvrent le fond d'un caractère autoritaire et passionné. « Vous êtes tous deux mes grands vicaires, et comme tels, vous devez n'avoir d'autre dessein que de faire passer toute chose à mon contentement, ce qui se fera pourvu que ce soit la gloire de Dieu. Il semble par votre lettre que vous étiez en mauvaise humeur lorsque vous avez pris la plume. Pour moi, j'aime tant mes amis que je désire ne connaître que leurs bonnes humeurs, et il me semble qu'ils ne devoient point en faire paroître d'autres. Si une mouche vous a piqué, vous la deviez tuer, et non en faire sentir l'aiguillon aux autres. Je sais, Dieu merci, me gouverner, et c'est davantage comme ceux qui sont sous moi doivent se gouverner. Vous me mandez qu'il ne vous chaud de ce qui se passe, disant que l'affaire me touche plus qu'à vous. Je trouve bon que vous m'avertissiez des désordres qui sont en mon diocèse, mais il est besoin de le faire plus froidement, n'ayant point de doute que la chaleur piqueroie en ce temps-ci ceux qui ont le sang chaud comme moi. Vous dites que vous renonceriez volontiers au titre que je vous ai donné. Je l'ai fait pour vous obliger, vous croyant capable du service à l'Église. Si je me suis trompé en ce faisant, vous désobligeant au lieu de vous gratifier, j'en suis fâché. Mais je vous dirai qu'à toute faute, il n'y a qu'amende. Je ne force personne à recevoir du bien de moi. Vous prêchez aux autres le libre arbitre, il vous est libre de vous en servir. » Ce sont là les paroles d'un homme ulcéré, peu maître de lui. À cette époque, Richelieu se plaignait continuellement de sa santé, des tourments qu'il endurait, son humeur s'aigrissait. Autour de lui, on était inquiet, on le ménageait. Sa nature, d'habitude si résolue, passait par des périodes d'abattement et de mélancolie. Il habitait parfois son prieuré des Roches, d'où il avait l'œil sur les affaires de Fontevraud, mais le plus souvent il se renfermait dans son prieuré de Coussay, près de Mirebeau, non loin de Poitiers, dont le voisinage l'attirait. Il se plaît, dans cette région montueuse, aux horizons étendus, aux longues promenades, pleines de rêves fouettés par le vent. Un joli castel du XVIe siècle, muni de tours, environné de fossés et de douves profondes aux eaux jaillissantes, lui offrait un abri coquet, riant et sûr. Ce château avait été construit vers le milieu du siècle précédent par Boyer, évêque de Saint-Malo, dont le style le plus charmant de la Renaissance. Il cachait et cache encore, dans un repli de terrain, les quatre tours coiffées en poivrière et l'élégant donjon qui domine la vallée. Tout alentour, le paysage est vaste, solitaire, plein de repos. Richelieu y séjourne. Il s'arrange un promenoir où se perdent ses pas méditatifs. Il se renferme dans le cabinet de la tour maîtresse, près de la chapelle, où il dit la messe, ayant sous la main ses livres, l'armoire secrète où il cache les papiers précieux, les notes où se fixent ses premiers dessins, c'est son ermitage. Il y mène l'existence d'un pauvre moine réduit à la vente de ses meubles et à la vie rustique. Cette pauvreté relative est toujours son grand souci. Il s'en plaint souvent, s'efforce d'y remédier par un soin attentif, des discussions d'affaires, des procès sans fin. Il prend même en main les intérêts de sa famille, s'attendrit à la nouvelle de la mort d'une petite nièce, fille de sa sœur, mais beaucoup plus à ce qu'il semble, en apprenant une perte d'argent qui survient à cette même sœur, Madame de Pontcourlet. Cependant, ses chagrins et ses préoccupations ne le détournent pas longtemps de son éternelle pensée, la cour, Paris. il est aux écoutes. Le moindre bruit qui vient de là-bas l'éveille. Monsieur de Vic est envoyé dans ses provinces pour apaiser les différends qui subsistent entre les protestants et les catholiques. Fin de 1611, Richelieu lui écrit et se met à sa disposition. Il s'adresse également à Philippot de Pontchartrain, secrétaire d'État chargé particulièrement des affaires de la religion, homme actif et laborieux, qui tenait très sérieusement en main la direction des affaires intérieures de la France. Mars 1612. Richelieu se met en relation suivie avec ces deux personnages, devient pour eux une sorte d'agent officieux, leur donne des renseignements précis sur l'attitude des Huguenots. Il est question à un certain moment de l'envoyer à La Rochelle pour haranguer ces messieurs. Il s'entremet de lui-même auprès de Duplessis Mornay, son illustre voisin, approuve la conduite de la reine-mère, l'engage à venir dans le pays à la tête de l'armée que commande M. de Thémines, et achève sa lettre à Pontchartrain par une insinuation où se révèle son éternelle préoccupation. Cependant, si vous jugez à propos de faire entendre à la reine ce que je vous mande, parce qu'elle me commanda lorsque je partis de l'avertir de ce qui se passerait par-deçà, vous en userez comme vous le jugerez bon. Il avait vu la reine lors de son voyage à Paris, mais évidemment, ses offres de service avaient été reçues un peu froidement. Il les renouvelle sans plus de vergogne. Il suit les événements politiques avec l'assiduité d'un homme qui se prépare. Nous n'avons que de rares échappées sur ses pensées d'alors, mais elles paraissent déjà pleines de grandeur. Encore que les brouilleries présentes et plusieurs pronostics fâcheux semblent nous augurer et présager la guerre, néanmoins, je ne crois pas qu'elle puisse sitôt éclore, les moyens de la faire naître étant beaucoup moindres que la volonté de ceux qui la pourraient désirer. La sage conduite et l'affection et fidélité de plusieurs bons serviteurs nous garantiront des maux du dedans. Pour ceux du dehors, je les baptiserai d'un autre nom s'ils nous font naître les occasions d'accroître nos limites et de nous combler de gloire aux dépens des ennemis de la France. Ces fières paroles sont écrites en 1612 du fond de sa province par un ecclésiastique à peine âgé de 27 ans. D'ailleurs, ses mérites finissent par percer. Malgré son échec dans l'affaire de l'assemblée du clergé, on a pensé à lui. On le considère, on reconnaît son obligeance, son empressement à rendre service. On lui tient compte de son humilité, du moins apparente, de son loyalisme, toujours en éveil. Ses relations s'étendent, il ne manque pas à ses propres maximes et s'empresse auprès des grands, multipliant auprès d'eux ses protestations comme on offre des sacrifices aux dieux, même non favorables. À la mort du comte de Soissons, novembre 1612, il adresse à la comtesse une longue lettre de condoléances écrite dans le style le plus amphigourique. Il offre ses services au duc d'Épernon, alors très en faveur, à Sully, que sa qualité de gouverneur du Poitou mettait en contact plus direct avec lui, à Villeroy, qu'il console tout aussi longuement de la mort de sa fille. Il est à cette époque très bénin, très épiscopal. La sécheresse de sa nature s'ingénie à trouver des paroles émues et tendres. Il s'adresse beaucoup aux ecclésiastiques, à l'archevêque d'Aix, au général des Chartreux, à l'archevêque de Toulouse, au cardinal de La Rochefoucauld, dont la haute personnalité religieuse pouvait être d'un utile appui. Il demande au père Georges une part dans ses prières, il arrange les différends, apaise les querelles, s'emploie pour ses diocésains, pour M. de Boisverbert, un de ses meilleurs amis, pour messieurs de Fontmorin, de la Brosse, de la Mabilière et du Cousteau, de bons gentilshommes, ses amis et ses voisins de campagne qu'on poursuit injustement. Heureux enfin de pouvoir se rendre à lui-même ce témoignage, je suis maintenant en ma baronnie aimé, ce me veut-on faire croire de tout le monde. Évidemment, il se rend compte de l'importance que sa province va prendre dans les destinées générales du pays. Par la mort de Henri IV, le lien de la centralisation s'est relâché. Le parti protestant relève la tête, les revendications locales reprennent quelque vigueur, la cour a besoin de tout le monde, c'est l'heure de s'imposer à la cour.